On l'appelait l'incomparable, traduction de son prénom ourdou, Benazir. Et le magazine états-unien People Magazine l'avait même classé parmi les 50 personnalités les plus belles du monde. Mais son père, Ali Buteau, l'appelait affectueusement et plus simplement Pinky, la petite rose. Benazir, assassiné le 27 décembre dernier, était incontestablement la femme politique la plus glamour des deux dernières décennies du XXe siècle. Première femme à avoir dirigé un État musulman, elle se savait belle et en usait. On témoignait la manière dont elle jouait avec coquetterie de son voile blanc, qui parfois recouvrait complètement sa foisonnante chevelure brune, afin de complaire aux islamistes, et en d'autres occasions, rejetée à mi-crâne, servait au contraire à mettre en valeur cette même chevelure et le charme de cette madone orientale. Mais, foin de futilité, béatifiée à peine morte par ses partisans, idolâtrée par les médias occidentaux, Benazir, bien qu'incontestablement courageuse, était aussi une femme implacable qui vivait dans le culte de son père, exécuté par le dictateur Ziaoulak, et rêvait de le venger. Cependant, au cours des deux périodes où elle a accédé au pouvoir, elle a accumulé les erreurs politiques et n'a jamais oublié de satisfaire ses propres intérêts. Il faudrait enfin ajouter que la seule histoire de la famille Buteau ressort plus du feuilleton Dallas que d'un roman à l'eau de rose. Une façon aussi pour M. X de revenir sur le destin tourmenté du Pakistan. C'est sans doute l'un des endroits les plus dangereux au monde pour les Occidentaux, le Pakistan. Dangereux, car c'est un vivier d'islamistes et que, selon toute vraisemblance, Ben Laden et ses séides y ont trouvé refuge. Oui, dans ces zones tribales là, qui échappent au pouvoir d'Islamabad. Hein. Et qui sont essentiellement peuplées de Pashtuns, l'ethnie qui domine en Afghanistan. Par conséquent, ils passent la frontière comme ils le veulent. En outre, il faut tenir compte de l'attitude équivoque du puissant service de renseignement militaire pakistanais, l'ISI. Ce sont en effet ces agents qui ont contribué à la création et à l'essor des Moudjahidines afghans et qui leur ont distribué des armes. Des armes d'ailleurs fournies par les États-Unis. Et à l'origine, il s'agissait de participer à la lutte contre l'armée rouge en Afghanistan. Mais après 1989, c'est la prise du pouvoir à Kaboul qui est devenue l'objectif de ces combattants, devenus pour certains des talibans, et toujours soutenus par l'ISI. Et aujourd'hui, là ? Eh bien, il est difficile de rompre avec ses anciens amis. Et même si, à la demande pressante de Washington, l'armée pakistanaise combat talibans et terroristes d'Al-Qaïda, implantée dans les montagnes du Waziristan, elle n'y met peut-être pas assez de bonne volonté. D'autant que les services secrets sont largement infiltrés par les islamistes. Mais on va revenir sur le sujet. En tout cas, attentats et assassinats ensanglantent régulièrement le Pakistan, qui par ailleurs entretient un foyer de troubles au Cachemire, un territoire montagneux revendiqué aussi par l'Inde. Ouais, l'Inde, l'ennemi héréditaire. Le puissant voisin, oui, le colosse de la région, auxquels l'ont déjà opposé 4 guerres. L'Inde, qui possède, comme le Pakistan, la bombe nucléaire. Ce qui explique l'intérêt que portent les diplomates du monde entier à l'évolution des rapports toujours tendus entre ces deux pays. Une nouvelle guerre pouvant provoquer une catastrophe internationale. Alors, puisque je sais que vous adorez ça, un peu d'histoire. Volontiers. Dans l'Inde coloniale des Britanniques, il existait essentiellement 2 groupes religieux, les hindous et les musulmans. Deux groupes qui coexistent, mais difficilement. Hein. Même s'il leur arrive de se dresser ensemble contre le colonisateur britannique. Mais vous avez raison. Les rapports entre les deux communautés sont souvent explosifs et aboutissent à de véritables massacres. Et c'est toujours le cas. Après la Seconde Guerre mondiale, Londres sait que l'indépendance est inéluctable. Grâce à l'action de Gandhi en particulier. Oui, mais il existe un puissant parti, le parti du Congrès, qui aspire à l'indépendance. Et aussi une ligue musulmane. Les musulmans étant moins nombreux que les hindous. C'est exact. La perspective de l'indépendance exacerbe les passions entre les deux communautés. Et c'est ainsi que naît l'idée de créer 2 États séparés. En fait, ce sont surtout les musulmans qui poussent à la roue. Et en 1947, dans l'urgence, les Britanniques bricolent la partition et tracent des frontières. Une bricole. Il n'y a pas d'autre mot. Dès le départ, il est évident que l'État musulman ne sera pas viable. Il est en effet composé de 2 entités séparées par près de 2000 kilomètres. Au nord, on crée le Pakistan actuel. et à l'est, ce qui deviendra plus tard le Bangladesh. En outre, il demeure une question épineuse, celle du Cachemire, aux confins de l'Inde et du Pakistan occidental. Pourquoi épineuse ? Ah bah parce que c'est un état princier, c'est-à-dire l'un de ces territoires où l'administration britannique a laissé l'apparence du pouvoir à Maharaja, et ce dernier, bien que son état soit majoritairement peuplé de musulmans, choisit le rattachement à l'Inde, parce que c'est un hindou. Il est clair dès ce moment que la possession du Cachemire sera un perpétuel sujet de conflit entre les deux États. Et ça continue encore aujourd'hui, hein ? Et nous en avons parlé il n'y a pas si longtemps, mais revenons au Pakistan. Vous savez ce que ça veut dire, Pakistan ? C'est très curieux. Ça veut dire le pays des purs, mais c'est également un acronyme. Expliquez, hein ? Le mot a été fabriqué en utilisant les lettres de ces différentes provinces, P comme Pendjab, A pour Afghan, K-I pour Cachemire, S pour Sindh et Tan pour Baloutchistan. Mais attendez, là, vous avez dit A pour Afghan, Afghanistan, quoi. Mais l'Afghanistan ne fait pas partie de ce nouvel État. Bien sûr que non, mais au nord vivent des Pashtuns qui sont les frères des Pashtuns qui habitent en Afghanistan. Ouais, vous avez dit, ils composent la principale ethnie. Hein. Et cette division est encore l'une des aberrations du colonisateur quand il a tracé les frontières. Mais enfin, passons. En tout cas, la partition de l'Inde et du Pakistan se fait dans la douleur. On assiste à de gigantesques transferts de population. Ouais, les musulmans montant vers le Pakistan. Et les hindous rejoignant le sud. Tout cela s'accompagne d'affrontements meurtriers entre les deux communautés. On comptera des dizaines et des dizaines de milliers de morts. Bref, dès le début, c'est la haine qui prévaut. Et la guerre éclate presque aussitôt. À cause de la question du Cachemire ? Naturellement. Et c'est l'Inde de Nehru qui l'emporte. C'est un véritable traumatisme pour les Pakistanais qui vont désormais être obsédés par la question de leur sécurité. Songez que ce pays extrêmement pauvre va utiliser la plus grande partie de son budget à s'armer, parce qu'il est certain que d'autres guerres sont prévisibles. L'Inde est désormais devenue le principal ennemi. Elle ne cessera jamais de l'être. Et le Cachemire, alors ? Il est partagé. Mais les deux parties ne s'accorderont jamais sur ce sujet, vous le savez bien. Et cette première guerre va être suivie de beaucoup d'autres. Hein. Oui, au total, il y en aura quatre. Et à chaque fois, c'est l'Inde qui l'emportera. En 1971, c'est d'ailleurs à l'issue d'un nouveau conflit que le Pakistan oriental fera sécession. Et deviendra le Bangladesh. C'est ça. Mais revenons un petit peu en arrière. L'antagonisme entre l'Inde et le Pakistan se traduit aussitôt sur le plan international. L'Inde, vous ne l'ignorez pas, choisit assez vite le camp des pays non alignés. Essentiellement des pays du tiers-monde. Hein. Qui sont plutôt opposés à l'Occident et donc sont anti-impérialistes. L'Inde ira même jusqu'à nouer des liens politiques et économiques assez étroits avec l'URSS. Mmh. Et par conséquent, le Pakistan va presque obligatoirement choisir le camp opposé. Ah bah c'est forcé. Dès le milieu des années 50, le Pakistan entre dans l'OTAS, l'équivalent de l'OTAN pour le sud-est asiatique, et signe un traité d'assistance et de défense avec les États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Au début des années 60, une guerre assez courte oppose l'Inde et la Chine. Aussitôt, le Pakistan se rapproche de la Chine. Un rapprochement qui ira assez loin, en particulier dans la coopération nucléaire. Ouais, bref, tous les ennemis de l'Inde sont les amis du Pakistan. Évidemment. Ouais. L'autre conséquence de cet état de guerre permanent, c'est bien sûr la prééminence des militaires dans la vie politique du pays. Et en 1958, ça devient encore plus clair. Un maréchal, Ayub Khan, s'empare du pouvoir à la suite d'un putsch. Il ne le quittera qu'en 1969. Mais c'est un autre militaire qui lui succède. Rien ne changé, donc. Et sauf que ce général promet des élections. Elles sont catastrophiques pour les militaires. À l'ouest, c'est un socialiste qui gagne. Zulkifar Ali Bhutto. Ouais, le père de Benazir Bhutto, qui sera elle-même plus tard un premier ministre à deux reprises. Et à l'est, au Bengale, c'est un parti sécessionniste qui remporte les élections. Ce sera l'origine de la troisième guerre indo-pakistanaise et de la création du Bangladesh. Nous en avons déjà parlé. Alors, tournons-nous vers l'ouest. Ce sont donc les urnes qui portent le socialiste Ali Zulfikar Bhutto au pouvoir. Un socialiste qui est aussi, faut le dire, l'héritier d'une grande famille de propriétaires terriens. C'est vrai. La société pakistanaise est encore une société féodale et fortement inégalitaire. Bhutto fait donc partie des privilégiés. Incontestablement. Ouais. Tout a commencé avec son père. Shamawar, déjà très riche, ce féodal originaire de la province du Sindh, au sud du Pakistan, occupe de très hauts postes auprès du colonisateur. Ça lui vaut d'être anobli par la monarchie britannique, et ça lui permet d'envoyer son fils, Ali Zulfikar, faire de très bonnes études à Oxford. Et lorsque ce dernier, policé et cultivé, toujours très élégant, revient dans son pays natal, il crée un parti politique, le PPP, Parti du peuple pakistanais. Un parti progressiste. Et surtout laïque, très charismatique, excellent orateur, Bhutto débute une brillante carrière politique. D'abord ministre des Affaires étrangères du dictateur Ayub Khan, il se lance dans l'arène électorale en 1971 et triomphe. Nouveau président du Pakistan, et malgré ses origines sociales, Bhutto commence par mener une véritable politique socialiste. Nationalisation, réforme agraire, etc. Et ça fait forcément grincer des dents. La revue Croissance, en 1998, analyse ainsi l'accession au pouvoir d'Ali Bhutto sous la signature de Jean Piel, son correspondant en Asie. Vainqueur des élections dans la partie occidentale, à la tête du Parti du peuple pakistanais, PPP, Zulfikar Ali Bhutto devient le président d'un Pakistan amputé. L'homme est populaire car il est le premier élu démocratique après des années de dictature militaire. Dans un pays ruiné et démoralisé, Ali Bhutto adopte des réformes décisives en matière agraire et sociale. Il nationalise de nombreuses industries. Son programme socialiste, populiste, corrige certains, lui vaut le soutien des plus pauvres, mais le chef de l'État est aussi craint qu'admiré. Car il reste un zamindar, un grand propriétaire terrien du Sindh, qui a carrément droit de vie et de mort sur ses paysans. Proche du peuple, Ali Bhutto est par contre détesté par l'élite dirigeante qui l'accuse d'avoir trahi sa classe. Lui n'en a cure. Il dirige comme il l'entend. À la même époque, ses enfants font leurs études à Londres, Benazir notamment. Éduqués de façon traditionnelle à Karachi, avec un passage dans un collège de religieuses irlandaises, la fille aînée abandonne le costume traditionnel pour le jeans et découvre avec joie le féminisme et le militantisme étudiant. Malgré ses brillants débuts, le nouveau régime est rapidement miné par la corruption. Et Bhutto, sentant son pouvoir menacé, donne des gages à l'opposition en procédant à une islamisation progressive du pays. Un pays qui est presque exclusivement musulman. À 97%, oui. Mais c'est Bhutto qui amorce le mouvement. Et en cette matière, il porte une lourde responsabilité. Et le Pakistan le paie aujourd'hui. C'est aussi Bhutto qui lance le programme nucléaire. Il veut être le promoteur de la première bombe atomique islamique, comme il l'a fièrement proclamé. Toutefois, Bhutto, malgré un succès électoral incontestable, est de plus en plus fragilisé. À l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. À l'extérieur. Ce socialiste n'est pas très bien vu à Washington, c'est le moins qu'on puisse dire. Or, pour les Américains, le Pakistan est un pion très important dans la région. Il ne faut pas oublier que le pays a une frontière avec l'une des républiques soviétiques, le Tadjikistan. Il abrite en outre des installations militaires américaines, systèmes d'écoute et aéroports militaires. Donc Washington le surveille de très près. Hein. C'est évident. La question nucléaire pose aussi problème. La crainte de la prolifération. C'est certain. Conséquence, la Maison-Blanche ne s'oppose nullement, bien au contraire, au coup d'État du général Zia-ul-Haq en 1977, qui destitue Bhutto. Zia, un général qui a été nommé chef d'état-major par ce même Bhutto peu de temps avant ce putsch. On ne se méfie jamais assez. Hein. Allende aussi faisait confiance à Pinochet. Et avant 1940, beaucoup d'hommes de gauche pensaient que Pétain était un authentique républicain. Mmh. Ouais. Alors au total, quel est le vrai bilan de Bhutto? Il faut bien reconnaître qu'il a beaucoup déçu. Certes, ses idées étaient généreuses, mais il a échoué à les appliquer. En outre, il a d'abord favorisé son propre fief aux dépens des autres provinces. Et quand les populations de ces territoires se sont révoltées, il n'a pas hésité à user du bâton, et de la manière la plus violente. Et puis, il y avait, avez-vous dit, hein, la corruption. Alors, qui est ce général-là qui l'a déposé? Un mot avant. Vous vous souvenez sans doute du visage de Zia-ul-Haq. Ses cheveux plaqués sur le crâne et séparés par une raie médiane, une coiffure de danseur de tango. Et dessous, dans un visage bistre, des yeux très sombres, très pénétrants. Une moustache aussi. Oui, oui, la tête d'un homme peu commode. Et qui va rapidement le prouver en gouvernant son pays d'une main de fer. Mais d'où vient-il, enfin, si j'ose dire? C'est un officier qui a été formé par les Britanniques. Il a d'ailleurs combattu sur plusieurs fronts lors de la Seconde Guerre mondiale. Puis il a fait une carrière assez brillante et rapide dans l'armée. Général de brigade, il a fait partie de ces officiers prêtés à la Jordanie pour écraser les Palestiniens en 1970. Septembre noir. Oui, après il est allé en stage aux États-Unis. C'est important ça. Certainement. Enfin, il a été nommé à la tête de l'armée de terre. Un poste clé hein, pour qui veut réaliser un putsch. Oui. Ziaul Haq a une autre particularité. C'est un homme très pieux qui va d'emblée affirmer sa volonté d'accroître encore l'islamisation de son pays. Un homme impitoyable aussi. Dès son arrivée au pouvoir, il fait arrêter Buttu et obtient d'une juridiction aux ordres de le faire condamner à mort sous un faux prétexte. Et malgré les protestations nombreuses hein, de la communauté internationale, il le fera exécuter par pendaison. C'est exact. 2 ans après le coup d'État. Mais pourquoi, au fond, cet assassinat? Car c'est bien de cela qu'il s'agit, non? Tout à fait. Car Zia, solidement installé au pouvoir et détenteur de l'autorité militaire, aurait pu exiler Buttu ou même continuer à le garder prisonnier. Vous avez raison, mais le dictateur pakistanais a eu peur du charisme de Buttu. Malgré son piètre bilan, ce dernier restait très populaire, surtout dans sa province d'origine. Alors, il fallait donc se débarrasser définitivement de lui. En effet. Mais du même coup, hein, Ziaul Haq va en faire un martyr. Ben, c'est le risque qu'il a pris. Et c'est le socle sur lequel Benazir s'appuiera pour conquérir plus tard le pouvoir. Ben, sur l'image donc de son père sacrifié. Quoi qu'il en soit, l'exécution de Buttu vaut à Ziaul Haq d'être unanimement condamné, même aux États-Unis. Ben, heureusement pour lui, Ziaul Haq va rapidement devenir un homme indispensable. Avant de m'expliquer cela, là, dites-moi ce que devient la famille Buttu. Chez les Buttu, c'est la fille aînée de l'ancien président, Benazir, qui est considérée comme l'héritière. Zia s'en méfie. Elle est donc placée en résidence surveillée jusqu'en 1984. Puis Benazir est autorisée à s'exiler et part en Europe où elle rejoint sa mère et son jeune frère. Alors, revenons à ce que vous disiez. La Zia Ulak, malgré l'opprobre qui pèse sur lui, devient un homme indispensable. Hein? Alors pourquoi? Une précision auparavant. Dès mai 1954, le Pakistan avait signé avec les États-Unis un accord d'assistance militaire et technique, à des fins exclusivement défensives, en principe au moins. Il est à peu près certain que le Pakistan a également rejoint le réseau secret, incluant les 2 agences américaines de renseignement, la CIA et la NSA. Alors, l'explication que vous attendez? Ali Buttu est pendu en 1979, mais en décembre de la même année, les Soviétiques envahissent le pays voisin, l'Afghanistan, et tout va changer. Ah oui, parce que les Américains vont soudain avoir besoin de Zia. Et naturellement, le Pakistan apparaît alors comme le pays le mieux placé pour centraliser la lutte contre l'armée soviétique en Afghanistan. Ouais, une sorte de base arrière. Oui, hein. Oui, c'est au Pakistan que vont être formés les Moudjahidines qui vont aller combattre en Afghanistan. Et c'est du Pakistan, en passant par les fameuses zones tribales, qui vont partir combattre. Ziaul Haq devient alors intouchable. Car rien ne peut se faire sans son accord. On oublie les violations des droits de l'homme et même le programme nucléaire qui continue sous Zia comme il avait commencé sous Buttu. Mais toujours avec la coopération de Pékin. Bien entendu. Zia ne voit que des avantages à aider les Occidentaux, essentiellement les Américains et l'Arabie Saoudite qui va largement mettre la main à la poche. Il y a d'abord l'aide militaire américaine, et elle est considérable. En outre, certains des matériels destinés aux combattants afghans finissent dans les arsenaux pakistanais. Mais on va en reparler, non. Le plus important pour Zia, c'est qu'à l'occasion, il peut espérer réaliser une de ses ambitions. Ouais, je vous écoute, là. Zia voit grand. Son pays est accolé à l'Inde. Et il veut disposer d'une profondeur stratégique. Une profondeur qu'il ne peut acquérir que dans une sorte d'annexion de l'Afghanistan. Un Afghanistan qui serait à ses bottes et où il ferait la loi via quelques affidés. Une sorte de province pakistanaise, quoi. Oui, mais il va encore plus loin. Il est persuadé qu'un jour ou l'autre, les républiques soviétiques musulmanes se détacheront de l'URSS. Mais là, il n'a pas tout à fait tort. Hein. Et il se verrait bien régner sur une confédération d'États islamiques de la région. Très ambitieux. Ça, incontestablement. Ses alliés américains ne voient pas aussi loin. Et je crois même qu'ils n'approuvent pas ces projets expansionnistes. Non, pour Washington, il y a 2 choses qui comptent. L'enlisement soviétique en Afghanistan. La revanche de la guerre du Vietnam. Oui, et c'est vrai. L'Empire soviétique devra en partie son écroulement à cette désastreuse guerre d'Afghanistan qui coûte très cher en hommes et en argent. Et la deuxième chose? L'accès aux richesses en gaz et pétrole des républiques d'Asie centrale. Les Américains imaginent déjà la construction d'un oléoduc dans un Afghanistan pacifié. Mais avant de voir tout ça de plus près, voyons comment Zia-ul-Haq procède à l'intérieur même de son pays. D'abord, je dois vous dire que le seul ciment de ce pays, c'est l'islam. L'islam qui est à l'origine du pays, puisque la partition s'est faite selon des critères uniquement religieux. C'est juste, mais ce n'est pas si simple, parce qu'il existe au sein même de l'islam des divisions. Ah oui, entre chiites et sunnites. Oui, au Pakistan, ces derniers sont largement majoritaires. Et les chiites se plaignent d'être tenus pour quantité dérisoire. Il y a aussi une mosaïque d'ethnies qui ne s'entendent pas forcément très bien entre elles et qui, surtout, ont des langues différentes. Il existe quand même une ethnie majoritaire. Hein. Oui, ce sont les Panjabis qui représentent plus de la moitié de la population et qui, bien sûr, accaparent le pouvoir et les meilleures places au détriment des autres. Les Sindhi, les Baloutches, les Pashtuns et aussi ceux qu'on appelle les Mohajirs. C'est-à-dire ces millions de musulmans qui ont fui l'Inde en 1947. Pas facile à gouverner un pays pareil. Non. Et Zia-ul-Haq sait qu'il ne peut régner qu'avec la force et l'islam, malgré la déchirure entre sunnites et chiites. Et lui, qu'est-ce qu'il est ? Sunnite, j'allais dire naturellement. C'est pourquoi, même si je n'aime pas trop ce mot dont on abuse, il va sciemment instrumentaliser l'islam. C'est-à-dire en faire l'une des bases de son pouvoir. Oui. Ouais. Et à peine arrivé au pouvoir, il annonce son intention de faire appliquer la charia. Charia que Bhutto avait déjà proclamé à la fin de son règne pour rallier les coalitions extrémistes. Ouais. La loi musulmane, alors, comme en Iran ? C'est ça. Il faut noter que Khomeini arrive au pouvoir à peu près en même temps que Zia-ul-Haq, ce qui permettra d'ailleurs à ce dernier de procéder à l'islamisation sans que personne ne s'émeuve. Oui, parce qu'à l'époque, on ne regarde que ce qui se déroule en Iran. C'est ce que je voulais dire. Et pourtant, ce qui va se passer au Pakistan n'est pas moins grave. Les rapports du Pakistan avec Washington sont anciens et étroits, si j'en crois John Cooley, auteur d'un livre intitulé « CIA et Djihad » paru en 2002 chez Autrement. On peut situer les débuts de l'Alliance américaine à l'année 1951. Dans les premiers temps de la guerre froide, quand les États-Unis cherchèrent à créer autour de l'Union soviétique un cordon de bases aériennes stratégiques et de postes d'écoute, l'administration Truman décida que ses alliés d'Iran, où régnait le jeune Shah Mohammad Reza Pahlavi, et d'Irak, alors doté d'un régime pro-occidental, encore sous forte influence britannique, ne pourrait être défendu efficacement contre l'empire de Staline sans l'aide du Pakistan. Oubliant leurs relations spéciales avec la Grande-Bretagne, les États-Unis établirent des liens directs avec le Pakistan. La bureaucratie militaire et civile, déjà redevable à Washington d'une aide économique et militaire, dominait alors le nouvel État islamique. À l'abri du parapluie américain, Zia-ul-Haq agit dans une sorte de discrétion, de parfaite impunité. L'islamisation vient du haut, et elle sert essentiellement à empêcher les masses populaires de se révolter. De supporter leurs conditions. Au nom d'Allah, politiquement, ça permet au général Zia de justifier la dictature militaire. Seul un État fort peut instaurer la charia. Ça repousse d'autant la restauration de la démocratie. Et comment se traduit concrètement là, cette islamisation ? La charia, c'est d'abord l'introduction du code pénal islamique. Châtiment corporel et lapidation des femmes adultères. Oui, mais je dois la vérité de dire que Zia veillera à ce qu'il n'y ait pas trop d'excès. C'est le symbole qui compte, plus que son application. Autre point très important, l'aumône. Qui est, je crois, l'un des cinq piliers de l'islam. Hein. Et qui s'appelle en arabe la zakat. Dans la plupart des pays musulmans, cette zakat procède de l'initiative individuelle. Oui, donne qui veut bien donner. Mais Zia entend aller plus loin. Et il fait de la zakat un impôt obligatoire grâce à un prélèvement direct sur les comptes bancaires. Autant vous dire que ça provoque des remous. Les chiites en particulier arguent du fait qu'ils donnent déjà volontairement de l'argent à leurs ayatollahs. Et alors ils ne veulent pas donner une deuxième fois. On les comprend. Leurs protestations sont si véhémentes que Zia recule. Les chiites sont dispensés de cette zakat obligatoire, ce qui fait hurler les chefs sunnites. Ah oui, ils sont jaloux. Et ils ont surtout peur que des sunnites ne passent au chiisme pour ne pas payer cet impôt. Ouais. En tout, c'est une masse d'argent considérable qui est engrangée année après année. Et un argent qui va servir à quoi ? Vous touchez là le point le plus sensible. Cette manne est distribuée aux écoles religieuses, les madrasas, comme on les appelle. Des écoles coraniques dont les diplômes sont reconnus par l'État. Et qui vont se multiplier dans tout le pays. Prises en main par les oulémas les plus fondamentalistes, elles vont former des millions de jeunes à un islam rigoriste et sectaire. D'une certaine façon, est-ce que Zia n'a pas ouvert la boîte de Pandore ? Lui ? Non, parce que ces jeunes qui reçoivent l'enseignement des madrassas lui sont acquis. Mais ceux qui soutiennent son régime et ferment les yeux, oui. Vous pensez à qui, là, aux Américains ? En particulier. Parce que dans les madrassas, on accueille aussi les enfants des réfugiés afghans massés aux frontières. Et ce sont dans ces écoles que Ben Laden et le Mollah Omar recruteront les talibans. Taleb voulant dire élève, comme vous le savez. Dans cette affaire, l'ISI, c'est-à-dire le service secret pakistanais, joue un rôle essentiel. Zia ul Haq a en effet obtenu des Américains que toutes les livraisons d'armes aux Moudjahidines afghans passent par l'ISI. C'est aussi l'ISI qui détermine à qui seront distribuées les armes. Alors justement, qui est choisi ? Les groupes les plus extrémistes. L'un en particulier, dirigé par le chef de guerre fondamentaliste et fanatique Gulbuddin Hekmatyar. Un homme, notez-le bien, qui est très anti-occidental. Pourquoi insistez-vous sur ce point-là ? Parce que les Américains n'apprécient guère qu'une grande partie de leur aide militaire aille à ce type. Mais ils doivent faire contre mauvaise fortune bon cœur, car ils dépendent des Pakistanais. Donc ils laissent faire. Un autre point pose problème aux Américains, même s'ils feignent de ne rien voir. C'est la drogue. L'opium cultivé en Afghanistan. Et qui fait l'objet d'un commerce très actif sous la houlette des services secrets pakistanais. Mais encore une fois, au moins jusqu'au désengagement soviétique en Afghanistan, la priorité de la Maison-Blanche, c'était l'enlisement de l'armée rouge. Et quand les chefs de l'ISI se sont rendus compte que Hekmatyar n'était peut-être pas le bon cheval, ils ont tout misé sur ces talibans qu'ils avaient contribué à former et qu'ils vont puissamment armer. Et dans cette mesure, on peut dire que Ben Laden est à la fois une créature des services saoudiens et des services américains via l'ISI. Mmh. Et puis, il y avait le nucléaire. Expliquez. Zia, avec beaucoup d'habileté, profitait du soutien inconditionnel américain pour accélérer le processus de fabrication de sa bombe atomique. Aux États-Unis, de nombreux hommes politiques grinçaient des dents. Mais ce que ça veut dire, puisque je sais que vous allez bientôt me parler de la mort du général Zia, là, que les Américains auraient pu songer à le liquider. Bon, attendez, vous voulez toujours aller trop vite. J'essaie de comprendre, c'est tout. Bon, admettons. Alors, avant d'essayer de savoir qui est responsable de la mort de Zia, voyons comment il a été tué. À la mi-août 1988, le général-président se rend dans le sud du pays pour assister à une démonstration effectuée par de nouveaux chars américains. Il est accompagné par plusieurs hauts dignitaires militaires et par l'ambassadeur des États-Unis. Puis après l'exercice, il remonte dans son avion. Direction Islamabad ? Oui. Quelques minutes après le décollage, des témoins voient l'avion faire une boucle, puis une deuxième, encore une, et puis le C-130 pique vers le sol, s'écrase et explose. Alors, que s'est-il passé ? L'appareil était en parfait état et les commandants de bord des chiites étaient des pilotes très expérimentés. Des chiites, alors ça pourrait être un attentat suicide. Bon, ça je ne le crois pas, non. D'autre part, si les pilotes avaient constaté un dysfonctionnement technique de l'appareil, ils auraient immédiatement contacté la tour de contrôle, mais là, rien. Aucun message. Un seul pour dire que tout allait bien. Cependant, avançons. Pour la plupart des experts aéronautiques, ça ressemble à un sabotage. Et pourtant, les Américains, qui, rappelons-le, ont perdu leur ambassadeur dans le crash, soutiendront toujours la thèse de l'accident. Et la Maison-Blanche, après avoir envisagé d'envoyer sur place une équipe du FBI, ne donnera pas suite. Bizarre, non ? Oui, je suis d'accord. Mais je vais vite, puisque nous en avons déjà parlé en 2003, si ma mémoire est bonne. L'appareil était encore intact lorsqu'il a touché le sol, et ses moteurs tournaient même à plein régime. Aussi a-t-on émis une hypothèse très sérieuse. Un gaz aurait été introduit dans les conduits de ventilation. Libéré après le décollage, le gaz aurait presque instantanément paralysé les hommes d'équipage et les passagers. Bon, je n'entre pas dans les détails, mais c'est très plausible. Mais si un gaz paralysant avait été utilisé, on en aurait sans doute trouvé des traces dans les corps des victimes. Hein. Bah oui, mais si des autopsies avaient été pratiquées, oui, certainement. Mais les corps, y compris celui de Zia, ont été prestement inhumés. On a prétexté la loi coranique qui impose l'enterrement dans les 24 heures. Mais même la loi coranique permet des exceptions. Et ce crash en était une. Ça veut dire qu'on ne voulait rien retrouver. Je le pense. Les gens qui ont succédé provisoirement à Zia, d'autres militaires, ne désiraient sans doute pas que les enquêteurs soient trop curieux. Alors, ils auraient été les initiateurs de cet attentat ? Oui, je crois. Il se disait à Islamabad que le général Zia allait procéder de façon imminente à un sérieux remaniement au sein de l'armée et des services secrets. Et certains ont eu peur. Alors ce serait donc une fraction de l'armée. Oui. Des hommes de Lizzie qui pouvaient craindre que sous la pression des Américains, Zia ne change de politique vis-à-vis de la question afghane. En cessant par exemple de soutenir les rebelles les plus extrémistes. Ou toujours sous la pression américaine en mettant fin au monopole de Lizzie sur la distribution des armes aux Moudjahidines. Une distribution qui leur assurait de confortables profits, tant en armes pillées et revendues qu'en drogue qu'ils obtenaient de leurs contacts afghans. Tout ça, vous en conviendrez, ça fait beaucoup et ça justifie amplement l'assassinat d'Zia. Mais attendez, le clan Bhutto, Benazir Bhutto, la fille d'Ali Bhutto, assassinée par Zia, pouvait avoir eu de bonnes raisons de venger son père. Certes, mais les Bhutto avaient-ils la possibilité de perpétrer un attentat aussi sophistiqué? Non. Non, je pense que Benazir, car c'était elle le vrai chef de la famille, voulait arriver au pouvoir par les élections. Et elle pouvait être légitimement optimiste. En 1986, la loi martiale avait été levée par Zia ul Haq, et elle était rentrée d'exil. La population lui avait alors réservé un accueil triomphal. Et pourtant bien des ombres pesaient sur le clan, à commencer par la mort mystérieuse un an plus tôt de l'un de ses frères cadets. Mais si vous le voulez bien, nous verrons cela la semaine prochaine. Christophe Jaffrelot est l'un des meilleurs spécialistes du Pakistan. Dans un livre paru en 2000 chez Fayard, voici ce qu'il écrit. L'essor spectaculaire des madrassas est devenu une caractéristique fondamentale de l'islam pakistanais. Avant l'arrivée au pouvoir de Zia, les écoles religieuses étaient peu nombreuses, 137 lors de la création du pays, et n'exerçaient qu'une influence négligeable. À partir de 1979, Zia entreprit une politique de réforme qui devait permettre aux madrassas d'obtenir une reconnaissance officielle dans le système d'éducation pakistanais, similaire à celle dont bénéficiaient les écoles laïques, à condition qu'elles introduisent des disciplines modernes dans leur programme scolaire. Par cette politique, il visait non seulement à renforcer les institutions sunnites et à faire accepter son leadership par les oulémas, afin de donner une légitimité islamique à son régime, mais également à exercer un contrôle sur ces écoles de manière à neutraliser tant le clergé que les enseignants et les étudiants. Et Jaffrelot ajoutait qu'il existait en 1999 plus de 7000 madrassas au Pakistan.